Lisbeth dînait ce jour-là chez Valérie, enfin d'en pouvoir dire à Steinbock ce que personne ne peut dire soi-même de soi. Madame Marneffe, la figure radieuse de bonheur, fit son entrée dans le salon avec une grâce modeste, suivie de Bette, qui, mise tout en noir et jaune, lui servait de repoussoir, en termes d'atelier. « Bonjour, Claude !» dit-elle en tendant la main à l'ancien critique si célèbre. Claude Vignon était devenu, comme tant d'autres, un homme politique, nouveau mot pris pour désigner un ambitieux à la première étape de son chemin. L'homme politique de 1840 est en quelque sorte l'abbé du XVIIIe siècle. Aucun salon ne serait complet sans son homme politique. « Ma chère, voilà mon petit cousin, le comte de Steinbock, » dit Lisbeth en présentant Wenceslas que Valérie paraissait ne pas apercevoir. « J'ai bien reconnu monsieur le comte, » répondit Valérie en faisant un gracieux salut de tête à l'artiste. « Je vous voyais souvent rue du Doyenné. J'ai eu le plaisir d'assister à votre mariage. »« Ma chère, » dit-elle à Lisbeth, « il est difficile d'oublier ton ex-enfant. Ne l'eût-on vu qu'une fois ?»« Monsieur Steedman est bien bon, » reprit-elle en saluant le sculpteur, « d'avoir accepté mon invitation à si court délai, mais nécessité n'a pas de loi. Je vous savais l'ami de ces deux messieurs. Rien n'est plus froid, plus maussade, qu'un dîner où les convives sont inconnus les uns aux autres, et je vous ai racolé pour leur compte. Mais vous viendrez une autre fois pour le mien, n'est-ce pas ? Dites oui !» Et elle se promena pendant quelques instants avec Steedman, en paraissant uniquement occupée de lui.